servira le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Abandonne la fornication, tu seras sauvé. Abandonne la convoitise, tu seras sauvé. Abandonne la prostitution, tu seras sauvé. Abandonne le mensonge, tu seras sauvé. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mes frères, venons tous à Jésus. Il est temps de changer. La voix du Seigneur, elle est prête à entrer dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Tu peux t'enfuir et te cacher, il saura te trouver même au fond de la mer. Je te dis, mon frère, mais ta si est fidèle. Voilà. Tu seras sauvé. Mita si aracide. Tu seras sauvé. Mita si amenanya blonde. Tu seras sauvé. Membe mita si adjudare. Tu seras sauvé. Oui, mes frères, venons tous à Jésus.